déchirer l'affiche du groupe que tu aimais tant. Ton fils copie le guitariste qui plaque deux accords au mur gris blanc. Bien sûr, ce n'est rien qu'une affiche, mais elle danse fort dans ses yeux. Moi je la prouve et moi je te riche, en oubliant qu'on était deux. La pluie couvre le marécage, il va se regarder dedans. Se faisait encore de ses 10 ans. Tes amis font tourner les tables. Ils meurent d'envie d'être avec eux. Je n'ai plus qu'à griffer le sable en oubliant qu'on était deux. Le soleil fait craquer les planches d'un sol où tu te crois debout. Moi, entre les noirs et les blanches, j'ai couché la chanson d'un amour fou. Tes amis refont l'Amérique, les fleurs de pavot sous les yeux, et ton fils refait ta musique en oubliant qu'on était deux.